Notre cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les ruines sont-elles la pierre angulaire de nos villes, de notre histoire, de notre mémoire ? Une ruine est l'effondrement partiel ou total d'une construction ou d'un ensemble d'édifices. Pourquoi ? Bien une dégradation naturelle, volontaire ou accidentelle. Mais la ruine prend parfois corps. Elle devient la dégradation physique d'une personne. Et que nous disent les ruines ? En quel endroit de sa personne pourrait-elle loger un grain de vertu ? Se demande Anatole France dans La rôtisserie de la reine Pédoc, son roman en 1893. Il répond : la vertu, comme le corbeau, niche dans les ruines. Elle habite les creux et les rides des corps. Alain Schnapp, bonjour. Bonjour. Je lisais ce micro-extrait de la reine Pédoc d'Anatole France qui relie la ruine à la vertu. C'est d'ailleurs intéressant car la vertu est vraiment cette notion du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle. Il y a un lien à faire entre l'histoire des ruines et les Lumières. Absolument, il y a une relation quasiment essentielle entre les ruines et les hommes. Parce qu'il n'y a pas d'homme sans ruine, sans la conscience d'un temps passé qui s'est incarné dans les choses. Et ce sont les hommes de la fin du XVIIIe siècle, autour de Diderot, puis Chateaubriand, qui ont fabriqué la notion moderne et universelle des ruines. Et l'intérêt de la ruine tient justement à ce chemin escarpé qui mène de l'identité des hommes et des femmes qui les fabriquent ou qui le deviennent ruines, à celles des sociétés qui pensent le passé en fonction du futur. Alain Schnapp, si je vous demande qu'est-ce qu'une ruine, vous allez me répondre alors, ça dépend à quel moment nous nous trouvons. Voilà, la ruine n'a pas exactement le même sens chez les Sumériens il y a plusieurs milliers d'années, chez les Grecs ou chez les Indiens de l'Inde ancienne ou les Chinois de la Chine ancienne. Et le concept qu'elle évoque à partir de la Renaissance en Europe. Mais ce qui m'a frappé dans cette enquête sur les ruines, c'est ce lien indissoluble entre la ruine et les cités, même s'il y a des ruines qui ne sont pas les ruines des cités, on pourra en parler. Et la seconde chose, le fait que ce qui nous semble relever de la modernité, comme le texte de France que vous venez de citer, en fait, il y a en lui déjà des accents qui sont présents chez les Sumériens, dans la Bible, chez les Grecs ou les Indiens. Oui, parce que cette enquête, Alain Schnapp, une histoire universelle des ruines, des origines aux Lumières, publiée au Seuil, c'est un travail formidable, exceptionnel à lire, parce que nous revisitons bien notre propre passé et ce regard sur ce qu'il reste, sur ces destructions. Alain Schnapp, vous êtes professeur émérite d'archéologie grecque à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne. Vous avez créé, vous avez dirigé l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et dans ce long voyage autour des ruines, vous nous dites bien combien ces ruines sont vues de manière différente, mais sont toujours présentes. Et ça, c'est essentiel, elles sont toujours présentes déjà, des présentes dans la Bible. Si vous ne m'écoutez pas, je marcherai contre vous avec fureur, et je vous corrigerai à mon tour au sextuple de vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. J'anéantirai vos hauts lieux, je supprimerai vos autels à encens, je placerai vos cadavres sur les cadavres de vos saletés, et mon âme vous prendra en dégoût. Je réduirai vos villes en ruines. Je dévasterai vos sanctuaires. Je ne respirerai plus vos parfums apaisants. C'est moi qui dévasterai le pays et vos ennemis en seront stupéfaits, eux qui l'habiteront. Quant à vous, je vous disséminerai parmi les nations et je tirerai le glaive derrière vous. Votre pays sera une désolation et vos villes seront des ruines. Tatiana Werner, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait un extrait du Lévitique. Alain Schnapp, justement, la ruine ici, telle qu'elle est présentée, et la menace est très intéressante, parce que la ruine n'existe pas encore. Je détruirai vos villes et elles deviendront ruines. La ruine est menace. La ruine est menace, elle est un appel au bon comportement des sociétés, au respect des hommes et, dans le cas qui nous occupe évidemment, de la loi de Dieu. Mais ce Dieu d'Israël est peut-être celui qui s'exprime avec la plus grande violence à l'égard même de ceux auxquels il a envoyé ses messages et qui ne l'ont pas entendu. Dans cette violence, il y a tout un héritage de Sumer, d'Akkad, qui est celui des villes détruites. Dans le monde sumérien et assyrien, quand un prince victorieux prend le contrôle d'une ville, il peut décider de la détruire. Et la destruction, c'est les canaux, ce sont les murailles, ce sont les maisons. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans les fameux poèmes de Sumer, on vous explique que la ville en ruine est celle que les dieux ont abandonnée. Et dans cet abandon, rien ne fleurit plus. Les arbres disparaissent. Les vergers sont condamnés à la destruction. Et même les femmes se refusent à leur mari. La ville en ruine est une ville alors sans vie. Il n'existe plus rien ici. Pourtant, il faut, dans la chronologie, se rappeler que notre passé a toujours lui-même un passé. Et nous, si nous nous trouvons en Mésopotamie, il y a aussi un passé. Ce passé est-il pris en compte au moment de vivre dans une ville, dans un lieu, de se dire ce lieu a déjà lui-même des traces? Absolument. Dans la tradition mésopotamienne, nous sommes évidemment fort bien renseignés parce que nous pouvons déchiffrer depuis un siècle les écritures anciennes, donc même plus d'un siècle. Donc nous avons récupéré ce trésor. Et à travers les tablettes ou les briques inscrites de fondation, nous trouvons déjà cette curiosité pour le passé. Les grands rois de Sumer, les grands rois d'Akkad, vous expliquent qu'au moment de refonder la cité, ils vont fouiller le sol pour trouver des traces de leurs prédécesseurs. Ils vont trouver la bonne inscription. Et le roi va dire « Je suis plus pieux et plus aimé des dieux, et donc meilleur gouvernant que mes prédécesseurs, car j'ai trouvé des inscriptions plus anciennes. » Donc vous voyez, on passe de la ruine à l'idée d'une connaissance et d'une maîtrise du passé. C'est un très beau transfert presque intellectuel. Justement, Alain Schnapp, hein, vous êtes l'auteur de La conquête du passé, hein, aux origines de l'archéologie, ouvrage de référence qui vient d'être publié de nouveau à La Découverte. Dans cette réflexion sur le passé, sur l'archéologie, la matérialité de la ruine est essentielle. Et puisque nous parlons de la Mésopotamie, le problème ici est que la ruine est celle d'éléments très périssable, très friable. Nous n'avons pas des bâtiments en pierre dure et solide, c'est de la brique. La ruine ici a un tout autre relief aussi. Absolument, l'opposition entre la pierre et la brique est évidente. Et pour la conjurer, les rois mésopotamiens qui connaissent la fragilité de leur construction, eh bien, ils les parsèment de ces briques de fondation et de ces inscriptions. Donc, ce n'est pas pour la première fois, mais dans l'histoire du monde, c'est quand même une phase inaugurale dans laquelle les sociétés de l'Orient ancien, celles de Mésopotamie, du croissant fertile, se disent « Nous ne pourrons pas garder nos grandes tours, nous ne pourrons pas garder nos grands sanctuaires pendant des centaines d'années, mais nous les accompagnerons de nos inscriptions. » Et ces inscriptions, elles s'adressent au roi du futur. Et elles disent « Roi qui me succédera, quand tu liras cette inscription, pense à moi. Si tu ne me respectes pas, tu seras maudit au cours des générations. » Donc le respect de ces inscriptions, il y a tout un vocabulaire très complexe. D'abord un vocabulaire de la ruine en langue akkadienne et en sumérien, qui est extraordinairement varié. Parce que suivant le type d'inscription, l'objet va être présent dans une collection, dans une réserve, dans l'enceinte elle-même. Et même dans l'épopée de Gilgamesh, à un certain moment, il reçoit l'injonction d'aller chercher le coffre dans lequel il y a une inscription. Donc, vous soulignez, ce faisant, que la ruine, dans sa matérialité, est accompagnée en Mésopotamie par l'inscription. Et dans la dialectique entre l'écrit et le matériel, s'inscrit une dimension, je dirais, structurelle de notre rapport au passé, qui est encore présente aujourd'hui. Oui, le rapport au passé, et qui d'ailleurs est très efficace dans le cas de la Mésopotamie, puisque dans nos musées, nous allons retrouver alors ces clous de fondation, ça a la forme d'un gros clou souvent, où il y a la pierre de fondation. Cette trace est cachée, bien souvent, elle n'est pas destinée à être vue par les gens qui se baladent dans la rue. Donc là, c'est clairement, vous l'avez dit, Alain Schnapp, un message destiné au futur. Et je vous propose de faire un énorme saut dans le temps, tout en restant en Mésopotamie. Ils sont soudain nés. Ils font partie des 1 300 000 travailleurs étrangers qu'emploie l'Irak pour remplacer les hommes mobilisés. Nous sommes en pleine guerre et avec ces briques crues, ils reconstruisent Babylone. Babylone, ce devait être cela au temps de Nabucodonosor, c'est-à-dire 625 ans avant Jésus-Christ. Cette reconstruction, pour curieuse qu'elle paraisse aux archéologues, est faite avec la bénédiction de l'UNESCO et selon les conseils d'experts français. La justification de cet effort, pour le président Saddam Hussein, rappeler au monde que l'Irak, menacé dans sa survie par plus de 6 années de combat, est le pays des civilisations mères de notre histoire. De Sumer, d'Akkad, d'Achour, de Ninive, de Babylone. L'art sert ainsi la politique. Habitude fréquente dans ce pays où l'on ne craint pas de faire figurer sur la même affiche le président Saddam et Nabucodonosor. Saddam Hussein et Nabucodonosor, dont le journal de 20h d'Antenne 2, c'était en 1987, Alain Schnapp, ces ruines babyloniennes réinvesties au XXe siècle. En plus, et toujours dans cette question de matérialité, un écho évident parce que la brique crue est quelque chose qui est très facile à reproduire et puis qui parle très bien avec celle qui date d'il y a des millénaires. Oui, il y a une idée de continuité. Donc les rois de Mésopotamie affirment qu'ils sont les successeurs des grands rois. Et pour, je dirais, assurer cette affirmation, ils ont recours au service et au savoir des scribes. Et certains d'entre eux, comme Assurbanipal, iront jusqu'à dire « Je suis moi-même un scribe, je sais lire les inscriptions anciennes. » Et quand un certain nombre d'idéologues retrouvent ces idées, avec la constitution du Parti Basse, hein, n'oublions pas les origines intellectuelles de la dictature de Saddam Hussein, c'est l'idée de se fonder sur une histoire et donc de faire du souverain actuel une réincarnation du souverain passé. Nous le voyons chez Saddam Hussein, on l'avait vu avant chez Moubarak, on le voit actuellement en Turquie, mais n'oublions pas qu'en Occident, dans le fond, et Mussolini avec sa Rome impériale et Hitler avec son conseiller Albert Speer et sa Germania, se drapait des oripeaux du passé. Et ça d'ailleurs, du point de vue de l'histoire de l'Occident, c'est assez amusant parce que quand le régime nazi prend son envol culturel, un certain nombre de proto-historiens veulent défendre l'idée de la primogéniture des Aryens. Et ils développent tout cela. Et Hitler confie à certains d'entre eux, ils me barbent un peu avec toutes leurs cabanes, avec leurs pierres taillées. Moi, je ne crois qu'aux pierres bien réglées, je ne crois qu'à la Grèce et à Rome. Et nous, les Allemands, nous sommes plus les héritiers des Grecs que des Germains. Donc, je prends cet exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Et vous en avez dans les républiques populaires, quand Ceausescu se fait introniser successeur des grands héros, des grands rois de Valachie, quand Staline lui-même reprend une partie de la figure d'Ivan le Terrible, vous retrouvez ces jeux. Et celui qui peut être le mieux défini, c'est Benjamin Perret, dans un texte extraordinaire de 1939 qui s'appelle « Ruines, ruines des ruines ». Et dans lequel il instruit le procès poétique de l'oubli. Le procès poétique de l'oubli dans la ruine, avec cette réutilisation de la ruine, Alain Schnapp, dans le cas de Saddam Hussein, il y a presque la volonté de reconstruire, de terminer les travaux. Non, mais on oublie la ruine, où la ruine est le socle et quelque chose est reconstruit. Mais dans la manière de se réapproprier la ruine, plein de chemins sont possibles. Il est possible de laisser un bout de ruine dans la cité, comme mémoire. Il est possible de faire comme Saddam Hussein, de finir les travaux. Puis il est possible aussi d'inventer la ruine. Il y a tout ce jeu que vous étudiez hein, dans ces ruines. Il y a plein de voies possibles. Voilà, c'est la multiplicité des approches de la ruine qui la rend aussi fascinante pour l'historien. La ruine, ça vient de ce radical latin, ruo, ce qui tombe, ce qui se défait. Et ruine, ça s'oppose à un autre mot qui est très proche, vestige, vestigia. Qu'est-ce que c'est qu'un vestigium ? Vestigia, c'est la trace d'un animal ou d'un homme sur un sol meuble. Donc, la ruine, ruo, tout ce qui en provient, c'est un peu quelque chose de convexe. Et le vestige est un peu concave. Et cette opposition, cette tension, je la retrouve dans le monde grec ancien, dans le monde latin, mais aussi dans nos sociétés contemporaines, dans la façon que vous évoquiez tout à l'heure de se référer au passé. Par exemple, après l'attentat contre les deux tours, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment garder la trace ? Là, est-ce que la présence l'emporte sur l'absence ? Ça encore, c'est une idée grecque que vous trouvez à travers ce qu'on appelle le serment de Platée, quand les Grecs, fédérés contre les troupes du grand roi, décident de résister. Ils votent un espèce de décret disant que chacun obéira aux ordres, etc. Mais que eux, les Grecs, jamais ne reconstruiront les temples que l'impiété des barbares aura détruits, et que ceux-ci, leurs traces, témoigneront de leur vilenie au fil des siècles. Ne pas reconstruire le temple pour garder la trace de voilà. Ce qu'ont fait les ennemis. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites là, parce que Alain Schnapp, dans tout ce que vous nous livrez comme information, comme analyse, il y a cet aspect universel en fait, aspect universel de la ruine. Universel oui. Dans l'espace, dans le temps aussi en fait. Dans les faits, oui, je crois que la ruine est universelle. On pourrait en discuter, on la trouve, mais pour nous occidentaux, la ruine est liée au matériel et à une matérialité très lisible. Ça peut être la pierre, ça peut être la brique, ça peut même, dans certains cas, être le bois. Hein. Rappelez-vous, Charlemagne qui s'installe en région parisienne et il se fait construire un palais. Mais il le fait moré germanico, c'est-à-dire en bois et en paille, comme dans les habitats de la Germanie médiévale, pas du tout en pierre. Donc, le substrat est très important, mais en même temps, et ce qui m'a surpris dans mon exploration qui a duré assez longtemps, c'est que j'ai découvert dans des sociétés sans ville, avec des villages à peine construits, une conscience déjà du passé, la volonté de garder trace. Dans le monde arabo-musulman, c'est ce qu'on appelle la poésie, la qasida, la poésie des ruines dans le désert, les traces de ceux qui vous ont précédé. Et la qasida pré-islamique, c'est l'idée du chamelier qui s'en va dans le désert retrouver les traces de la femme qu'il a croisée. Et il se cherche, et se cherchant, se trouve, mais se perd à la fois. Et quand, après la révélation de Mahomet, les Arabes seront confrontés à ces ruines de rien du tout, qui auraient tellement enthousiasmé les surréalistes, ils vont retrouver, avant même les hommes du Moyen-Âge occidental, l'idée des ruines sassanides, l'idée des ruines romaines. Et il y a un poème extraordinaire d'un poète qui avait vécu à la fois avant l'islam et l'arrivée de Mahomet, et qui s'adresse à ce qu'on appelle les prédécesseurs, et il leur dit « Arrêtez de nous parler de ces enclos. Arrêtez de nous parler de ces petites traces. Qu'est-ce que vaut vos traces face à l'arc de Khosroès, face aux architectures de l'Antiquité ?» Donc il y a toujours un trop-plein et un pas assez, comme une présence et une absence. Et c'est ce qui m'a intéressé dans la construction de cet itinéraire. Je ne propose pas de théorie de la ruine, je ne propose pas une encyclopédie des ruines, il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait l'écrire, mais un chemin qui montre comment, sans la mémoire, il n'y a pas de présent et pas de futur. Et c'est pour ça que je cite l'extraordinaire travail du médecin russe Luria, sur l'homme qui en savait trop, dont la mémoire était inextinguible. Une histoire universelle des runes, des origines aux lumières, Alain Schnapp, publié au Seuil. Et bien justement, la rune c'est aussi ça, hein. Vous parliez de présent et d'absent, la rune c'est aussi l'absence. Nous parlons des runes parce que nous voyons ici une pierre, ici une colonne, mais parce que nous savons qu'il manque quelque chose. C'est cette absence aussi qui est intéressante dans la notion même de ruine. C'est cette absence qui est au cœur de la réflexion poétique, qui commence... avec les Sumériens dont nous parlions tout à l'heure, qui continue avec la mélancolie de Jérôme sur les ruines de Rome, qui se déploie dans la chanson de gestes médiévale, face aux châteaux brûlés, aux villes en ruines, aux hommes et aux enfants égorgés, aux femmes violées. Et donc la ruine, elle charrie à la fois la paix de celui qui va s'isoler dans les ruines, Diderot, et de ceux qui disent « la ruine, c'est cette tragédie sur laquelle est fondée notre histoire. » Il y a un peu de poésie dans cette histoire, évidemment. Et vous le savez, Alain Schnapp, mais tous les auditeurs, les auditrices de France Culture le savent, dès que Michel Bouquet s'empare d'un texte, c'est aussi un peu de la poésie. Temple d'Amon, Louxor était aussi le temple de la naissance divine du pharaon homme Dieu. Associant le symbole de l'éternité qu'était le sphinx, à la succession des cycles et des jours, la voie sacrée de Louxor, calendrier de pierre, marque la perpétuité de la royauté pharaonique. Orienté comme le Nil, le temple de Louxor reçoit par sa façade nord le vent qui porte le souffle d'Amon, chargé des puissances fécondantes. C'est ce souffle qui anime le temple. Les faisceaux des papyrus des colonnes de la Grande Cour symbolisent la terre fertile de l'Égypte entière. En 1985, sur la chaîne FR3, Michel Bouquet évoquait Louxor et la ruine éternelle du pharaon. À la Schnapp, il y a quelque chose de très intéressant dans cette archive, ne serait-ce que par le vocabulaire, éternité, perpétuité. Nous nous trouvons en Égypte antique et... quand nous avons évoqué la Mésopotamie, nous parlions de ces briques en terre crue qui disparaissent par le fait. Les Égyptiens ont réfléchi aux ruines futures de leurs propres monuments. Les Égyptiens y ont tellement réfléchi que, là encore, les pharaons vous expliquent que les sanctuaires abandonnés, les murailles négligées, ils les ont restaurées, ils les restaurent parce qu'ils ont une dette par rapport aux pharaons qui les ont précédés. Et souvent, ils vous disent, nous avons remplacé d'ailleurs ce qui était en brique par de la pierre pour assurer, au fil du temps, je dirais, la fonction mémoriale qui est dévolue à l'œuvre du pharaon entouré de ses scribes. Et certains pharaons se présenteront eux-mêmes comme des savants ou comme des antiquaires inspirés. Mais le document le plus extraordinaire que je connaisse est une inscription qui remonte au règne de Khéops, où un certain Kawab, le fils du pharaon, est décrit et il est redécouvert bien des siècles après l'érection de la statue inscrite, avec cette postille du nouveau découvreur, « Je suis le fils du pharaon, Ramsès II », donc tant de centaines d'années après Khéops. « J'ai redécouvert cette statue qui gisait abandonnée et dont personne ne savait à qui elle était destinée. J'ai lu l'inscription, j'ai rajouté la mienne et j'ai restauré cette statue pour les siècles des siècles. » Et donc ça, c'est la dialectique présent-passé, continuité-absence, qui est si forte et si radicalement présente dans des agencements totalement différents entre Sumer et l'Égypte, mais qui ont en commun de prendre en compte la dimension psychologique qui est forcément poétique. Et c'est ça qui m'intéresse dans la ruine, en dehors de sa matérialité, c'est l'aura de poésie qu'elle dégage. Et on a l'impression que cette aura de poésie, elle a été si bien décrite par les hommes des Lumières, par Diderot lui-même, que c'est une invention. Dans les faits, non. Mais justement, Alain Schnapp, Diderot est avec nous. Les idées que les ruines réveillent en moi sont grandes. Si le lieu d'une ruine est périlleux, je frémis. Si je m'y promets le secret et la sécurité, je suis plus libre, plus seul, plus à moi, plus près de moi. De ce lieu jusqu'aux habitants des villes, jusqu'aux demeures du tumulte, au séjour de l'intérêt des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs, il y a loin. Tatiana Werner, dans le cours de l'histoire, qui lisait les réflexions de Diderot à partir à propos du salon de 1767. Nous sommes au XVIIIe siècle, Alain Schnapp. Diderot évoque ici une émotion, on peut le dire, autour de la ruine. Cette émotion est-elle la vôtre? Oui, enfin, j'y participe parce que, en tant qu'archéologue, elle me fait comprendre pourquoi on passe sa vie à regarder les traces des prédécesseurs et qu'on tâche d'extraire du sol des objets ou même des dispositifs qui nous permettront d'entendre la voix du passé. Donc, le travail immense de Diderot, appuyé sur un réseau d'amis et d'observateurs du sol, n'oublions pas que sa relation avec le passé n'est pas seulement celle d'un lecteur, mais c'est un ami de Boulanger, et Boulanger lui-même était un ingénieur des ponts qui avait passé sa vie à observer le sol dans ses dégagements pour construire des œuvres d'art. Donc Diderot dit deux choses. La première, c'est que nul n'échappe aux ruines, et que l'intelligence des ruines est un gage de l'intelligence des choses, et deuxièmement, que cette intelligence porte à l'identité de l'observateur, qui se déprend de la ville pour l'observer dans un lointain qui est à la fois dans l'espace et dans le temps. Observer dans l'espace et dans le temps, observer par l'émotion aussi, par le cœur, par la compréhension, par l'analyse. Alain Schnapp, vous avez connu ça, vous aussi, lorsque l'on visite certains sites, alors vraiment en ruine, le Forum romain, vous savez, il y a ces petits livres où il y a une page transparente qui complète les vides. Vous voyez ce genre de document, c'est essentiel, parce qu'il y a de ça aussi au moment de visiter la ruine. C'est se projeter sur ce manque, mais ce manque est notre histoire. Absolument, la ruine n'existe que dans la prise de conscience de son essence de ruine. C'est-à-dire que la ruine n'est pas une donnée immédiate de la conscience. Elle est construite. Elle est construite par le rapport que vous établissez avec elle, par les lectures qui vous informent, par les guides qui peuvent vous orienter. Et donc, la ruine, elle part d'un matériel, mais elle a une part d'immatériel qui est ce que vous évoquiez, la restitution de la forme. On essaye de comprendre. Et un des passages qui m'a le plus sidéré en préparant ce livre a été de trouver la biographie de Mehmet, l'empereur Mehmet II, qui a défait Byzance. Et il y a une biographie de Mehmet écrite par Critoboulos d'Imbros, un érudit grec. Et Critoboulos raconte la visite de Mehmet après la victoire sur Constantinople à Athènes. Le sultan, dit-il, se rendit dans la ville et décida d'y rester plusieurs jours, parce qu'il ne voulait pas se contenter de voir la cité telle qu'elle était maintenant victime de toutes ces destructions, mais parce qu'il entendait, par son effort d'observation, la reconstruire comme elle était au temps des grands héros de la Grèce. Donc ça, chez Critoboulos, qui est un grec extrêmement cultivé, il instille dans le pouvoir du sultan cette idée de l'intégration de l'histoire. Et cette idée extrêmement moderne, au XVe siècle, qui consiste non pas seulement à regarder les choses, comme vous le disiez il y a un instant, telles qu'elles sont, mais à imaginer ce qu'elles avaient pu être. C'est le début de ce que nous appelons l'archéologie. Traces d'histoire dans nos villes. Aujourd'hui, les ruines dans la ville, pierre angulaire de l'histoire, pierre angulaire de la mémoire. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé de la civilisation égyptienne, mésopotamienne. Nous traversons les siècles. Nous ne sommes peut-être pas assez attardés sur la civilisation grecque ancienne. Alors, petit tour à Athènes. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Soviet suprême qui chante Ruiné comme Athènes dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier avec aujourd'hui à la technique Anthony Thomasson. Les traces de l'histoire dans nos villes et notamment les ruines. Ruiné comme Athènes. Alain Schnapp, ruiné, ben oui, il y a plein de sens. Un mot ruiné, c'est être dépossédé de sa richesse. Or, la ruine elle-même est une richesse en soi. Là, il y a une contradiction de la perception de ce qu'est la ruine. La ruine est une richesse. Pas pour tous. Mais bien sûr, oui, la conscience de la ruine, c'est déjà un pas vers la mémoire. Il y a un de mes collègues, un sociologue américain, qui a dit « Sans les morts, nous sommes tous des bâtards ». Et je trouve cette expression très belle, parce qu'elle montre qu'aucune société ne peut s'affranchir de cette distance. Certaines peuvent théoriser qu'il ne faut pas aller trop loin dans le temps, la réduire, si vous voulez. Mais il y a cette nécessité, prendre conscience de l'être, de l'humanité de l'homme, c'est prendre conscience du passé. Et ce passé s'inscrit autour de nous, mais cette inscription n'est pas que matérielle. Elle se rafraîchit, elle se dilate au contact de nos émotions et de nos mémoires. Et les Grecs ont poussé cela très loin. Ils ont, par exemple, il y a un passage de Pausanias qui me paraît extraordinaire, dans lequel Pausanias dit « C'est quand même étrange, nous les Grecs, nous prétendons des hommes civilisés, mais aucun de nos auteurs ne s'est intéressé à nos antiquités. On s'intéresse au jardin de Babylone, on s'intéresse aux pyramides d'Égypte, et ce que nous avons en Grèce est pourtant tout aussi intéressant, et personne ne s'y intéresse. » Donc, l'idée du rapport entre la mémoire de soi et la mémoire des autres, elle est infiniment présente dans la conception grecque du rapport aux ruines, probablement enrichie par la découverte grecque de ce que nous appelons l'histoire. Il y a eu des histoires ailleurs qu'en Grèce, mais les historiens, la Grèce du 5e siècle et du 4e siècle a structuré un ensemble de questions et de protocoles que nous pouvons appeler l'histoire, et qui contribue à donner une rationalité à l'observation du passé. Et dans cette réflexion sur l'histoire, nous avons le cas romain, extrêmement intéressant, ce cas romain qui nécessite, qui a besoin d'une histoire, donc qui va chercher les origines avec des éléments concrets de Romulus, de Rémus, etc. Et qui en même temps a un rapport assez étonnant avec la ruine. Oui, il y a chez les Romains un double mouvement de négation de la ruine. La ruine, c'est la vétustas. Vétustas, on pourrait traduire ce qui est ancien, la vieillerie. S'il y a trop de vétustas dans la ville ne se porte pas bien. C'est des lieux oubliés. Et il y a toutes sortes de règlements, d'ailleurs, que nous connaissons, qui fondent un droit foncier de protection des monuments. Pas de monuments historiques au sens que ce terme prendra au XIXe siècle en Europe, mais l'idée du décorum de la ville, l'ornatus. Une ville, si elle est vraiment ville, elle est propre, elle est belle à voir, et elle a des choses à vous montrer. Et donc, dans ce respect, s'énonce le début d'un droit du patrimoine qui culmine, de façon étrange, mais tout à fait raisonnée, avec le bas-empire, c'est-à-dire quand brusquement la ville devient trop grande, elle est trop difficile à être gérée, et donc on imagine des stratégies pour y faire face. Et Cassiodore écrit à Théodoric en lui disant « Écoute, de même qu'un souverain doit avoir un manteau parfaitement ajusté, de même la parure de ta ville doit respecter le passé. Je ne dis pas, dit Cassiodore, qu'il faut refuser de faire des bâtiments nouveaux, il faut les faire. Il faut le faire en ayant conscience de l'antiquité qui les précède et du respect qu'on lui doit. » Les Romains restaurent donc leurs propres bâtiments, sans cesse. Voilà, il y a une continuité. Alors, ce que nous appelons restauration dans le monde romain, un membre de l'école française de Rome vient de sortir un très joli livre sur les ruines à Rome. Tout cela nous permet de le comprendre. Mais il y a une résistance qui fait que, pour les Romains, trop de ruines, cela fait peur. Pas assez de ruines, cela fait aussi peur, cela fait du vide. Et le vide, la cité est là, et le bon gouverneur, le bon empereur doit lutter contre cela. Alain Schnapp, un Romain de l'Antiquité qui reviendrait aujourd'hui dans la ville faire un petit tour là autour du Colisée dirait « Mais non, mais il y a beaucoup trop de vétustas ici ». Absolument, et il serait un peu choqué de cette exhibition dont d'ailleurs Montaigne se plaignait déjà en disant qu'il avait voulu visiter Rome, qu'il s'y était préparé toute sa vie, il s'était muni de livres, il s'était muni d'antiquaires qui l'accompagnaient, et qu'il ne comprenait que quick à ce qu'on lui racontait, parce que, dit-il, personne n'a compris que l'histoire de Rome, elle est stratigraphique. Oui, ça, c'est Montaigne. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui encore, en tant que visiteur, si nous marchons sur le forum, mais cela vaut pour énormément de sites, nous avons du mal à comprendre ce que c'est. C'est pas parce qu'il y a un caillou ici que notre cerveau arrive à imaginer le monument, alors que parfois la ruine elle-même est complètement intégrée à la ville. Nous sommes toujours dans le monde romain, antique. C'est le cas de l'amphithéâtre de Poitiers. Christophe Béliard est archéologue et il nous guide vers des vestiges de l'amphithéâtre de Poitiers que vous n'aviez sans doute jamais vu. Dès lors qu'on franchit ces façades, on va rentrer encore dans le monument et on va retrouver en fait le parcellaire qui est l'héritage du monument antique. La maison, comme beaucoup d'autres dans le quartier, a été construite dans les couloirs de l'amphithéâtre. On voit sur ce mur deux arches qui correspondent justement aux galeries de circulation qui justement permettaient de desservir la partie basse de l'édifice. Aujourd'hui, la seule partie visible de tous est située dans une petite rue du centre-ville. C'est vraiment le seul vestige encore visible sur l'espace public aujourd'hui. Et c'est un vestige qui aujourd'hui n'offre pas vraiment des grandes facilités de lecture, mais qui offre un potentiel archéologique absolument remarquable. Ce couloir est devenu effectivement un lieu d'habitation sans doute à l'époque médiévale. Il a été occupé à la période moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et effectivement, plus proche de nous, à partir de la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, eh bien, l'édifice est cloisonné complètement et transformé en forge. C'est pour cette raison, du reste, que les murs ici, même les murs de bouchage assez récents, sont complètement maculés dessus. L'amphithéâtre de Poitiers, présenté dans le 19-20 de France 3 en 2016. Alain Schnapp, là nous avons un cas d'un amphithéâtre antique qui est complètement phagocyté par la ville, qui devient un élément de la ville. La ruine a aussi, dans ce cas-là, son utilité, mais ce qui n'enlève pas le fait qu'elle reste un élément de la mémoire, ce qui est constitutif de la ville même. Poitiers, c'est une ville romaine. C'est une ville romaine à la fois dans son accompagnement et dans son concept, comme Reims, comme tant d'autres cités de la Gaule romaine. Et il y a eu une espèce d'abandon de ces villes au cours du Moyen-Âge et une lente récupération à partir de la fin du XVIIIe siècle, justement grâce à Diderot, surtout à Volney, hein, aux ruines de Volney, qui est le best-seller de tous les livres sur les ruines jamais écrits en Occident, et qui aura ses conséquences sur la naissance du concept de patrimoine moderne, patrimoine historique, chez des gens comme Montalembert. Moi, je cite toujours à mes étudiants là cette parole, cette phrase de Montalembert, qui est pour moi vraiment la pierre de base d'une réflexion sur le patrimoine. La présence du passé ne devient importune que lorsque la conscience du présent est honteuse. Et on ne peut apprécier le passé que dans le respect du présent, dans cette dialectique. Et en France, dans ma génération, j'en ai juste après-guerre, dans les années quand nous sommes devenus étudiants, nous voyons tous les jours partir à la décharge des centaines de sites archéologiques. Et grâce à, je dirais, à une réflexion courageuse menée par un de mes amis et collègues Christian Goudineau du Collège de France, ou mon ami Jean-Paul Lemoule qui a fondé l'Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, la France s'est dotée en une vingtaine d'années d'une structure qui laisse, je dirais, à la mémoire le temps de souffler. C'est pour moi, c'est ça l'archéologie préventive. Le respect. On dégage, on ne peut pas garder une ville moderne comme un musée. Ou si on en fait un musée, alors il faut accepter de la vider, de la muséaliser complètement. C'est ce qu'on a fait à Oradour-sur-Glane, et on l'a fait justement. Et ça renvoie au serment de Platée dont je parlais tout à l'heure. Mais dans la vie, il faut bâtir des compromis. Et ce mot, qui a été inventé dans les années 90, archéologie préventive, il témoigne de cela. Justement, vous venez de citer Jean-Paul Demoule, qui a fondé, dirigé l'INRAP, hein, oui. L'Institut National d'Archéologie Préventive, et avec Dominique Garcia, qui le dirige actuellement, eh bien, Alain Schnapp, vous avez co-dirigé Une histoire des civilisations, comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, publié par La Découverte et l'INRAP. C'est vrai que ici il y a cette réflexion du ce que signifie la ruine pour dire tout simplement quel est notre rapport au passé. Et quand vous évoquez le fait que pendant longtemps, les sites archéologiques pouvaient être détruits, quand nous entendons à Poitiers que les habitants se sont accaparés l'amphithéâtre romain, aucun jugement là-dessus, c'était à un moment donné cette manière de ressentir le passé. Alors, qu'est-ce que cela dit de nous, cet intérêt si fort aujourd'hui pour ces ruines, pour cette volonté de préserver ? Bien, je pense que c'est une vieille idée qui remonte à Georg Simmel, le grand sociologue allemand, que de dire que plus la société s'artificialise dans son rapport aux choses, plus la conscience du passé devient lancinante. Et que donc, c'est vrai que dans nos sociétés, on accepte l'idée d'une protection du passé ancien d'une façon qui n'était pas celle de Diderot, parce que même si Diderot avait conscience des dégradations, même si Diderot s'en prenait et Volney quelque part au conservateur à tout craint, il y a une phrase de Volney qui dit « On s'en prend aux Arabes parce qu'ils détruisent Palmyre. Mais, dit-il, je préfère voir subsister la partie la plus pauvre de l'humanité à partir des vestiges de ceux qui l'ont précédé, que de voir ces gens rester sans abri. » Donc, le regard, que ne c'est pas du tout pour justifier les destructions, mais c'est étonnant de trouver ça sous sa plume. Et vous évoquiez tout à l'heure la provocation radicale, elle date aussi du XVIIIe siècle, quand Sébastien Mercier évoque Paris en 2440, et qu'il dit « je m'endors en 1760 et je me réveille en 2440. Et je ne reconnais rien. Et je demande où est Versailles. Et là, on m'emmène sur un champ de ruines. Et au milieu du champ de ruines, je vois un vieillard. Et je lui demande « Où sommes-nous ? » Et le vieillard me répond « Nous sommes à Versailles, lieu où des rois qui n'avaient pas conscience du bien-être de leurs contemporains ont investi toutes les ressources de l'État pour construire ce palais mirifique que personne n'a pu préserver. Et que faites-vous là ?» lui dit l'homme qui vient de se réveiller. « Je suis là pour expier. Je suis Louis XIV. Et tous les jours, je pense aux violences sur lesquelles ont été assises ces constructions mirifiques. » Magnifique. Alain Schnapp, justement, dans cette temporalité que vous évoquez, parce que faire de l'histoire, c'est aussi jouer sur le temps, hein. Eh bien, la ruine ne vit aussi que par son ancienneté. Qu'en est-il des ruines récentes ? Des ruines. L'Europe d'après-guerre est un champ de ruines. Mais même les ruines ont leur visage et leur signification particulière. Et celle de Varsovie, pleine d'activité et d'espoir, s'opposent à celle de Berlin comme la vie s'oppose à la mort. Varsovie est devenue une gigantesque fourmilière où le Premier ministre et ses collaborateurs donnent l'exemple et où jour et nuit retentissent les pioches. prodigieux spectacle d'une capitale que les Allemands voulaient rayer de la carte du monde et qui donne au monde l'exemple de l'espoir. Poniatowski a retrouvé son sabre et Varsovie a retrouvé sa foi en l'avenir. Les ruines de Varsovie dans les actualités françaises en 1946. Alain Schnapp, vous nous l'avez bien dit, certaines ruines dans une longue tradition sont conservées pour montrer la destruction. Mais la ruine récente, et là nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale, est un problème et elle ne renvoie pas au passé très proche détruit, elle renvoie plutôt à l'avenir de la reconstruction. Absolument. Cette dialectique entre passé, présent et avenir, elle est au cœur de la réflexion sur les ruines. Et dans Varsovie détruite, dans Varsovie dont les quartiers ont été éradiqués, en particulier tout le quartier juif, il y a dans sa refondation l'idée d'affronter la violence qui s'est imposée et de proposer, je dirais, un parti plus serein de relations entre le monde européen et la guerre dans le futur. Après, on aura malheureusement la guerre froide, et nous ne savons pas très bien ce que l'avenir nous réserve, mais au moins l'Europe a-t-elle été protégée. Et de cette protection de l'après-guerre, nous pouvons inférer que une conscience du patrimoine s'est opérée. Et que même quand nous en voyons les conséquences extrêmes, c'est-à-dire la destruction de Bamiyan ou la destruction des sites de Syrie, dans l'agressivité de ceux qui veulent rompre le pacte humanitaire, il suffit de renvoyer encore une fois à Volney, il y a le sentiment de l'éradication. Et donc, en quelque sorte, on dit que les cours d'eau meurent quand les poissons ne peuvent pas y survivre. Les sociétés meurent quand il n'y a pas un peu de place pour ce reste qui est le passé incarné dans la ruine. Et le respect des ruines, comme le disait Montalembert, c'est le respect de soi. Alain Schnapp, dans cette lecture d'histoire universelle, et je précise bien sur universelle des ruines, des origines aux Lumières que vous publiez, dans la notion d'universel, c'est vrai que nous sommes souvent centrés, et c'est complètement logique, sur nos propres civilisations. Nous parlons de là où nous sommes, mais la réflexion s'étend évidemment vers d'autres civilisations. Alors nous savons bien qu'en Amérique latine, du temps des Mayas, du temps des Aztèques, le passé était pris en compte et les ruines n'étaient pas oubliées. Mais qu'en est-il des autres civilisations? Une civilisation chinoise, par exemple, prend-elle en compte les ruines comme nous les considérons? Non, la stratégie chinoise dans l'histoire de la Chine, qui est très ancienne, est un peu différente de celle des Mésopotamiens ou de celle des Égyptiens. Parce que pour les Chinois, ce qui compte, je dirais, c'est les inscriptions. Il faut protéger ces inscriptions. Et parce que les palais eux-mêmes, ou les temples, ne sont pas construits en pierre, ou rarement. Donc là encore, il y a un parti qui est un peu mésopotamien. Mais ce parti est renforcé par le fait que les idéogrammes se transmettent et que leur lecture permet un retour aux sources. Et à la période médiévale, les premiers catalogues d'antiquité apparaissent à la fin de l'Antiquité, vers le 5e, 6e siècle. Description de collection. Mais chez les Song, 11e, 12e siècle après Jésus-Christ, vous avez une véritable histoire de l'Empire qui se met en place à travers les collections d'inscriptions. Et il y a un auteur et un fondateur de la mémoire épigraphique qui dit ceci, et on a l'impression que c'est du Fabry de Peiresque. Il dit « Quand j'étais jeune, les inscriptions se lisaient facilement. Aujourd'hui que j'ai atteint un âge avancé, je ne peux plus en lire que des bouts. J'ai donc décidé de fabriquer un catalogue d'estampage qui témoignera des inscriptions qui menacent de disparaître. » Et donc, cet antiquaire a fondé une épigraphie de la tradition chinoise qui ne sera fondée en Europe qu'à la fin du XVIIIe siècle. Donc, les Chinois ont conservé des inscriptions. Ils n'ont pas, en quelque sorte, fétichisé les monuments comme nous le faisons, mais ils ont gardé des objets, les fameux vases Ding, les fameux vases de bronze, collectionnés du fait d'ailleurs de leurs inscriptions. Donc la voie chinoise est à la fois différente et semblable de celle de ses concurrents. Elle leur ressemble parce qu'il y a cette conscience de l'histoire et l'idée que la Chine n'existe que dans la remémoration, même si certains, comme le fameux premier empereur, dira « tout s'arrête et tout commence avec moi ». Et il y a des pages de Borges qui sont immortelles sur la volonté du premier empereur de construire la muraille de Chine comme telle n'a jamais existé, ce sont des murailles, et de brûler les livres. Et Borges dit cela, il dit « brûler les livres, construire des murailles, est-ce que c'est le destin des empereurs ?» Et à quoi Kafka, dans son fameux essai « En construisant la muraille de Chine », lui répond « non, non, non, construire la muraille, c'est pas s'en prendre aux autres, c'est prendre conscience de soi. » Prendre conscience de soi. Merci vivement Alain Schnapp de nous aider justement à prendre conscience de nous à travers les ruines. Une histoire universelle des ruines, des origines aux lumières. L'objet publié au Seuil est magnifique. C'est sublime, c'est magnifiquement illustré, mais c'est surtout, et nous le sentons, une réflexion qui dépasse en fait l'idée même de ruines. C'est une réflexion sur notre rapport au passé, sur ce que nous sommes à ce moment présent. Et puis, vraiment universel, vous l'avez démontré. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Clément Nouguier, préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, une émission dont la programmation est assurée par Maïwenn Guizhou. Traces d'histoire dans nos villes, une série à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.